Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Radio Café, chronique française. Une série d'Adrien Chevrier et Amélie Perrault, réalisée par Gaël Gillon. Au départ de cette série, il y a l'envie d'aller tâter le terrain un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, provoquer des conversations, tendre le micro, voire le poser sur le zinc, et poser cette question, y compris dans les Cévennes, comment vivez-vous ? Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui raconte des histoires, une adolescente hésitante, un ancien gréviste, un homme sur les ronds-points, un autre qui faisait des routes, un éleveur de vers à soie et un maire qui organise l'accueil. Ensuite, le décor, des passages, les dragons, les Cévennes, une poste disparue, des écoles qui restent, des usines qui ferment, des camions, des cocons, une réunion et des cloches. Aujourd'hui, deuxième épisode, on cherche un passage. J'ai un truc à dire alors. Non mais pour la radio c'est bien parce que là nous sommes dans une rue donc assez étroite et qui a été élargie au début du XXe siècle et nous avons devant nous plein de maisons qui sont accolées les unes aux autres tout le long de la rue qui fait presque 500 mètres on va dire. Comme tu disais, les gens ici c'était des paysans ouvriers et il faut imaginer qu'à l'époque de la guerre des Camisards, toutes ces maisons, ils avaient construit, entre chaque maison, il y avait des passages. C'est-à-dire que, et on les retrouve encore aujourd'hui. C'est des maisons accolées avec des ouvertures entre et puis, elles. Puis, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils avaient passage, parce que quand les dragons du roi arrivaient pour massacrer tout le monde, ils fuyaient d'une maison à l'autre, comme ça. Et au bout, presque arrivés au temple, là, boum ! Ils sortaient et ils montaient dans la montagne. Donc, elles étaient toutes accolées comme ça, d'une façon très austère et tout. Mais il y avait toujours cette possibilité de fuir. Mais oui, ils étaient pourchassés, quoi. Le village a été quand même brûlé. Il a été rasé. L'église, elle est reconstruite à moitié. Et on a gardé une empreinte pour montrer que ce qui reste de la vieille construction... Hein, ça, c'est intéressant de voir l'architecture. Et je crois que cette architecture et cette façon de vivre a conditionné aussi le fait de... Bon, c'était déjà ouvert, les protestants. Mais en même temps, ils savaient se protéger, ils savaient se... aussi, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est chacun chez soi, mais en un instant, on peut ouvrir toutes les portes pour être tous dans un espace communautaire. Voilà. Et je crois que quelque part... Bon, ça, c'est de l'histoire. Mais je crois que quelque part, il y a cette... Il y a ce pont, si tu veux. Pourquoi on trouve cette... Cette ouverture d'esprit, mais en étant quand même très, pas dire austère, mais réservé, tu vois. Intérieur. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ici, pasteur. Monsieur le pasteur. Ce qu'il y a de sûr ici, c'est qu'on sait se raconter des histoires. Ah, ça c'est clair. Même Armel, elle en écrit tous les jours. En fait, c'est ça. On est dans un espace qui est à moitié réel, un espace de fiction en fait. Meublé n'existe pas en fait. Carotte, drapeau. Enfin, la carotte, c'était pour le tabac. Affiche, ivrogne. Pastis, fontaine, chaise, linky, touriste, non au linky, fleur, midi libre. Cendrier, ruban attrape-mouche, mûrier, Jésus, Brutus, qu'est-ce que Brutus ? Quand on entre dans le village par le sud, on arrive dans le café, quoi. Il est juste en face de la route. Et on choisit ou de monter à droite vers la montagne ou bien de tourner à gauche sur la place du village. C'est juste une maison, tout ce qu'il y a de banal, mais avec un panneau devant, marqué café du commerce, et une grande porte qui est toujours ouverte. Monoblet, route des Cévennes. Et une place, la place avec l'arbre de la liberté, des gens qui se sont installés au milieu de la route parce qu'ils n'en ont rien à foutre des voitures, et qui discutent de tout. C'est un peu le café de Flore à la Sévenole, quoi. Moi je pense que c'est un peu ça. C'est avec des gros mots en plus, beaucoup de gros mots, beaucoup d'expressions, mais voilà, c'est ça, des bruits de claquettes. Alors bonjour, on est à Monoblé, un village des Cévennes. On va parler d'abord de la résistance de Monoblé et... Ah non, je me suis trompée, excusez-moi. Là, faut que t'arrêtes de mettre des E partout. Parce oui, parce que tu me dis insupportable. C'est pour les rimes. Faut que tu connaisses la fin de ta phrase quand tu la commences. Mais oui. C'est pas une mince affaire. Bon, elle est active. Allez, ben vas-y, Lou. Donc, t'as envie de participer, c'est OK, mais nous, on va pas faire ça. Bon, faut pas oublier quand même à Monoblé qu'on est un pays de combattants, et c'est ça qui est chouette, c'est que les Cévennes, ça reste, c'est quand même ça, son histoire. Hein, ça, le fait qu'il y ait eu les religions, les guerres de religion, le fait qu'il y a eu... Il y a toujours ce côté résistance. On est des résistants. Alors dès qu'on essaye de nous imposer quelque chose, que ce soit ancien ou nouveau, arrivant ou déjà là, il y a cet esprit de... J'irai de... De moi. Cet esprit de... De Réboussier. Voilà, et Réboussier. De résistant. Et Réboussier, c'est Réboussier en français, je sais pas. Est-ce que c'est Réboussier, on peut pas. Râleur. Là, ouais. En ce moment, bon, tu parles de la poste, Olivier. Bon, ça a été un combat il y a 10 ans où on s'est battu pour maintenir ce petit point de poste là, service public, on va dire, sur la commune. Par exemple, on a kidnappé le camion du Tripostal. Le maire s'est pendu au rétroviseur du Tripostal avec une chaîne et un cadenas. C'était assez drôle. Et il disait aux gens de la poste, au centre de Tripostal, donc à Saint-Philippe-du-Fort, il leur disait « Moi, je veux voir le directeur régional de la poste. Tant qu'il n'est pas là, le camion partira pas. » Et il y avait tout autour les gens du village. On était nombreux. C'était un matin, il était 5h du matin. Je me souviens très bien. Et il y avait vraiment du monde, quoi. Donc on a réussi pendant 10 ans à la garder, la poste. Mais on est trop petit, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure. On est un petit village et on est face à un rouleau compresseur... mondial, quoi. Donc, Benoît, il y a une anecdote assez marrante. C'est le facteur qui passe tous les jours avec sa bagnole, connivence avec nous. On avait démonté les roues et on appelait les gendarmes pour qu'ils viennent constater. Les gendarmes de la salle, ils nous disent oh, on va pas venir, vous allez remettre les roues. Il dit non, on veut que vous veniez constater parce que autrement, ça sert à rien qu'on ait retiré les roues. Voilà. C'était génial. Moi, je dirais qu'on s'est battu pour maintenir la poste et qu'on s'est fait baiser. On a maintenant une agence postale communale. Mais oui, mais de toute façon, on a perdu. Donc, et on s'est battu, mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, non. Mais on a résisté. C'est ça qui nous importe, c'est de résister. On a été jusqu'au Conseil général, on a tapé des poings, on n'a pas accepté comme ça. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils te bouffent, de toute façon. Hein. Et là, en ce moment, le dernier combat, c'est le Linky. Vas-y, ça, tu peux... Ben, quand même. C'est un combat qu'on mène, là, il y a un panneau là-haut. Bon, ceci dit, peut-être qu'ils viendront au mois d'août, quand tout le monde sera en congé, pour poser les couteaux. On va leur souhaiter la bienvenue, t'inquiète. Mais nous, on est là, au mois d'août, on s'en va pas. Hein. Un autre exemple, il y a quelques années, il était question de supprimer une classe à l'école. Et le directeur de l'école, qui est maintenant le maire du village, mais à l'époque, il était directeur de l'école, il a dit, vous avez envie de faire quelque chose, séquestrez-moi. Voilà, donc on a séquestré le directeur, qui était volontaire pour être séquestré, pour appeler l'inspection académique en disant « les habitants du village sont pas contents, ça proteste, machin, tout ça ». Et on le retenait, mais pas contre son gré, bien évidemment, mais on le retenait dans l'école. Et ils sont venus et ils ont constaté qu'effectivement, il y avait plein de gosses et que l'année d'après, il allait en avoir 4 de plus. Donc on a fini par garder cette classe maintenant. Donc ça, c'était il y a 15 ans parce que mes enfants étaient petits. Maintenant, on a une école toute neuve avec une centaine d'élèves. Donc voilà, je dis ça pour plein d'autres villages, si tu veux. Il n'y a que ceux qui ne se battent pas qui ont perdu d'avance, quoi. Si vous ne vous battez pas, venez pas vous plaindre. Mais n'hésitez pas à vous battre, quoi. Là, aujourd'hui, en ce moment, on se bat contre les compteurs Linky. On considère que c'est encore une atteinte à nos libertés de nous envoyer cette espèce de mouchard dans la maison, là, pour prendre nos données personnelles et puis pouvoir peut-être les monnayer ou les distribuer. J'en sais rien, je ne sais pas à quoi elles vont servir. En tout cas, c'est quand même assez effrayant, quoi. Donc là, on est dans le village, il y a un comité anti-Linky qui est très efficace, et on a mis en place une veille. Quand les installateurs, les sous-traitants qui veulent installer les lignes qui vont venir, ils vont être bien reçus. Peut-être une des solutions pour développer l'économie ici, en fait, ça sera de développer les formations à la résistance, en fait, et accueillir des étudiants venus d'ailleurs, de villages qui ne savent pas trop comment faire pour résister. On pourrait un peu leur donner des clés, et puis évidemment monnayer ça pour nourrir un peu l'économie locale. Et moi, je vois là un potentiel de développement. Ah, t'as raison, on a énormément de ressources, en fait. On donnerait les clés, mais on vendrait les cadenas, quand même. Le même de monde là-bas pour que tu arrives tard. Ah, mais aujourd'hui, il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde. Bon, allez, une saucisse sèche, on va se dépêcher, tu vas voir. Ça va, voilà, oui. Mon Dieu, mais j'ai pas pris mon porte-monnaie, moi. J'ai de la très souple, très souple. Non, mais je suis pas. Un peu sèche. Un peu sèche, un peu sèche. Non, pas trop. Mais non, j'ai pas mon argent. Dites-moi, mesdames, une petite question. Combien de fois au total sonne la cloche du village tous les jours? Combien de fois? Au total. Mais chaque fois, 8 coups, 2 coups, comme ça? Oui. Hop. Je t'y mets au calcul. Hein. Mais 2 fois 8, 2 fois 12, 24. Mais... 24 et 24 et 12, 36. 36. Alors moi, non, je propose un chiffre pour les sessions de 24 heures. Il y a 235 coups. Dis 235, peut-être 240, allez. Moi, je dis 235, 240. Oh, ben moi, j'irai jusqu'à 250. Hein. On calcule comme à Marseille, ici. Moi, c'est pareil, c'est comme à Marseille. Moi, je vois grand, moi. C'est-à-dire, elle s'arrête tellement de fois, cette pendule. Et oui. Et elle repart que le matin à 7 heures. Et oui. De toute la nuit, elle ne chante pas. Elle s'arrête à 10 heures et elle reprend à 7 heures le matin. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu faussé. Alors, je me demande, Olivier, comment il calcule, même. Enfin, bon. Ça, c'est son problème, hein. Je vais continuer mon tour, merci. Alors, vous êtes d'ici, vous? Je suis né ici, oui. Et bon, ensuite, j'ai passé toute ma jeunesse ici. Je travaille toute ma vie chez... J'ai une entreprise de chaussures de sécurité à Saint-Hippolyte-du-Fort. Jalate ? Jalate, oui, c'est ça. Ça a fermé, Jalate ? Jalate n'a pas fermé. Ils ont vraiment dégraissé au maxi. Moi, j'ai connu l'entreprise de Jalate quand je suis rentré en 70, en mars 70. On était 800 personnes sur Saint-Hippolyte-du-Fort. Ensuite, il y a eu un regroupement lors de divers plans sociaux, parce que bon, on a été acheté plusieurs fois. Donc, à un moment donné, c'était Olida qui nous avait acheté. Donc, c'était le frère du maire de Strasbourg, Monsieur Rudloff. Sa première chose, quand il a mis les pieds à Saint-Hippolyte-du-Fort, il a dit, s'il y a du soleil, donc on va le faire payer. Le surlendemain, on recevait une lettre de... comme quoi il y allait avoir 600 licenciements sur 800 personnes. Donc on s'est mobilisé, on a occupé les lieux, on a enlevé même le chef de le DRH de production. Vous l'avez enlevé ? On l'a enlevé, on l'a séquestré directement dans le truc, on l'a ravitaillé, on occupait l'entreprise jour et nuit, quoi. Et donc, sous bonne garde, il était, donc ne faites pas de soucis. On avait les gendarmes, bien sûr, les casans qui venaient nous voir, mais bon, on était assez costauds. Mais après, on était déterminés à tout faire sauter de toute façon. On avait dit, ça ne bougera pas. On s'était organisé, on brûlait des pneus tout autour de l'usine. Il y avait vraiment la population nous aidait, le local et les alentours. Certains même nous avaient donné leur aval. Les gars, comme certains paysans, nous ravitaillaient avec du vin, enfin, et divers trucs. Il faut vivre quand même. Hein. Donc, c'est pas évident. Hein. C'est dur une grève, hein, surtout quand on a des enfants, il y a des familles qui n'avaient pas besoin de ça. Hein. Donc, on a obtenu gain de cause. Hein. Ils ont remis ça, on a sauvé. Il y a eu quelques licenciements, donc on s'en est tiré avec seulement quelques gens qui étaient enfin de retraite. Hein. Donc, qui ont été volontaires avec bien sûr une enveloppe pour compenser. Voilà. Puis après, ensuite, bon, il y a eu divers, je ne peux pas, autrement on est là jusqu'à demain matin, hein, si je vous raconte tous les plans de licenciement que nous avons eus, ça a été énorme. Donc, petit à petit, tout ça a fermé. Ouais, c'est pas facile de vivre à Monoblé en fait, hein, malgré la douceur du climat, et la super ambiance, la solidarité, tout le bazar. En fait, ici, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de rond. Et on a choisi, grosso modo, plus ou moins d'être pauvre. Mais voilà, encore une fois, c'est notre façon de payer la liberté qu'on a ici, quoi. Tu vois, on est peu contraints par l'environnement social. Ici, il n'y a pas de flics, ils viennent rarement. Ils viennent plutôt pour nous aider quand on en a besoin. Le service des impôts, il est de plus en plus loin. Il y a très rarement un inspecteur à l'école. Ben voilà, il y a plein de choses qu'on nous permet de faire parce qu'on nous abandonne, en fait. Donc, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très ambivalent, cette histoire. C'est à la fois dur et, en fait, pour nous, c'est un vrai paradis. Tu vois, c'est... Voilà, si t'es pas capable de le vivre comme ça, tu peux pas vivre ici, quoi. Bon, le gros défaut des Cévennes, enfin, il y en a plusieurs, c'est qu'il n'y a pas de boulot et que les moyens de transport sont... C'est comme, bon, on revient sur les revendications des Gilets jaunes, c'est que sans notre voiture, on n'est plus rien, quoi. L'autre jour, il y avait plus de sans-plomb à la station du village à côté, la seule station du village, et ça m'a rendu dingue parce que du coup, moi, je fais comment pour amener ma gamine à la danse, quoi. Et enfin, c'est sans bagnole, ici, on est mort, voilà. Et c'est vraiment un gros, gros souci, mais c'est un souci dans toute la ruralité française. C'est-à-dire qu'on centralise tout dans les villes, dans les mondes de la consommation et du capitalisme et des centres commerciaux. Et pour le reste, tout est désœuvré. C'est pareil pour le médical, pareil pour le... Voilà. Alors, je m'appelle Benoît, j'habite Monoblé depuis bientôt 20 ans et je travaille au magasin Biocop de Saint-Hippolyte-du-Fort qui est géré par l'association La Fourmi et la Cigale. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant, j'étais berger. J'ai gardé les troupeaux de brebis, puis de chèvres, d'éleveurs, d'abord dans les Pyrénées, puis dans les Cévennes. C'est d'ailleurs comme ça que je suis venu ici. Et la Biocop, elle est installée à quelques dizaines de mètres du principal rond-point où s'étaient réunis les Gilets jaunes au moment où ça a commencé. Et ils y sont restés très très longtemps à Saint-Hippolyte. Vous, quel investissement vous avez eu là-dedans ? Moi, je me suis investi beaucoup. J'ai pris 4 semaines de congé pour être présent sur le rond-point. Au départ, je dois dire que je me suis un peu méfié. J'ai tourné autour du rond-point sans m'y arrêter. Parce que je voyais des gens... Ce que les gens faisaient jusqu'à ce que le mouvement des Gilets jaunes commence, tourner autour des ronds-points sans s'arrêter. Oui, non, mais là, il y avait des gens qui étaient arrêtés sur le rond-point déjà. Mais moi, j'ai continué encore à tourner un petit peu autour parce que j'ai vu des gens dont je sais pertinemment que leurs orientations politiques sont pas du tout les miennes, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, si on laisse toute la place aux fachos, ben, ils ont gagné. Donc, je me suis arrêté, je suis allé sur le rond-point, puis j'ai discuté avec eux. Et puis j'y ai pris goût, c'était vachement intéressant, ces discussions avec des gens qui voient pas le monde comme moi, comme je le vois. C'est-à-dire ? Moi je suis plutôt un mondialiste, mais pas au sens économique libéral du terme. Je suis un internationaliste, voilà, on va dire. Donc je suis plutôt ouvert à toutes les migrations, je suis un collectiviste, donc très loin des valeurs... du centre, de la droite et de l'extrême droite, quoi. Et pourtant, j'ai réussi à discuter avec ces gens qui, eux, sont plutôt des individualistes, qui peuvent, à certains égards, être racistes, en tout cas plutôt nationalistes et fermés sur eux-mêmes. Et on a réussi à discuter et même, je considère qu'on a, avec d'autres, hein, je suis pas le seul, bien sûr, on a pu servir à ouvrir les yeux de gens qui sortaient plus de chez eux depuis des dizaines d'années, qui se contentaient de regarder la télévision et de râler contre le grand complot général. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris en discutant sur les ronds-points ? J'ai appris justement qu'on pouvait discuter avec ces gens-là. C'était ça qui était vraiment intéressant, quoi. Bon, après, moi, j'y allais pas pour tuer Macron, hein. Je y allais pour changer le système, j'y allais pour faire la révolution. Bon, bah, ça a un peu retombé, le soufflet, pour l'instant, donc je suis revenu travailler, je ne vais plus sur le rond-point, mais j'ai toujours l'espoir encore de changer les choses, quoi. Et comment s'articulent les revendications, ou en tout cas la raison pour laquelle les gens étaient descendus sur les ronds-points, avec le mode de vie que vous revendiquez? Ah ben, on demande l'accélération de la transition écologique, quoi. Moi, c'est principalement pour ça que j'y suis allé. Quand je parle de révolution sociale, écologique, locale, quoi. C'est réduire les inégalités sociales et permettre aux gens de réaliser la transition écologique dont tout le monde a besoin, quoi. Et une des réponses théoriques apportées par le gouvernement, ça a été le fameux grand débat. Ça vous fait sourire? Oui, bah oui, oui. Apporter un débat avec... Bon, finalement, ça a évolué dans les faits, mais au départ, ils ont voulu apporter un débat avec les questions qui les intéressaient et pas celles que les gens ont posées dans la rue. Et puis, ils l'ont organisé de telle façon que la parole était un peu confisquée. D'ailleurs, à Saint-Hippolyte, on a un peu rétabli la balance. On y est allé, nous, les Gilets jaunes, on y est allé très nombreux. Et on a mené la discussion et les débats. Et il y avait une personne qui était favorable au gouvernement, qui se disait ouvertement macroniste. Et finalement, à l'issue de la réunion, qui a duré quand même 2 heures, elle est venue boire un café sur le rond-point et elle a complètement changé sa vision des choses. Et comment est-ce que vous avez mené les débats? Par des témoignages, principalement. Justement, ces gens qui sont dans la galère, qui s'en sortent pas, qui n'ont pas de perspective d'avenir et qui se sentent méprisés par le gouvernement. Ces gens-là ont témoigné, principalement. C'était ça qui était intéressant, parce que on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on voudrait faire après, donc on n'a pas parlé de ça. Donc en fait, c'était pas des débats? Non, c'était pas un débat. D'ailleurs, quel intérêt à faire débattre les gens quand le gouvernement a déjà fait lui-même les conclusions du débat? Je vois pas, quoi. Donc si je vous entends bien, la clé, c'est le témoignage, quoi. Oui, bien sûr. C'est ce qui peut peut-être faire comprendre à ceux qui sont pas trop mal lotis qu'il ferait bien de faire attention, parce qu'un jour ou l'autre, eux aussi vont tomber dans cette ornière, quoi. Parce que le fait d'enrichir de plus en plus les très très riches, ça prive le reste de la population d'une partie de la richesse commune, simplement, mécaniquement, quoi. Donc voilà, c'est la classe moyenne en France, elle souffre quand même, elle aussi, pas au point des gens qui étaient sur les ronds-points, hein, mais elle souffre quand même, quoi. Donc je pense que ça peut ouvrir les yeux à certains sur cette dérive de notre société, quoi. Qu'est-ce que ça voudrait dire, vivre mieux? Vivre mieux? Pour moi, ici, vivre mieux, ce serait vivre avec moins d'État, plus d'initiatives locales, collectives. Et puis, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est l'éloignement progressif de la démocratie, de la vie quotidienne des citoyens, quoi. Voilà, les regroupements de communes, l'agrandissement des régions, tout ça fait que on connaît de moins en moins les gens qui décident pour notre vie quotidienne, je parle pas des grandes décisions sociétales, mais je parle simplement des petites choses qui impactent notre vie quotidienne. On n'a plus la main là-dessus, quoi. Par exemple, l'attribution des terres agricoles, par exemple, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, mais c'est un truc qu'on ressent, le démantèlement des services publics de proximité, ou toutes ces choses-là. Je trouve qu'on vivrait mieux si on laissait l'initiative aux citoyens et aux habitants d'organiser collectivement les services dont ils ont besoin et dans quelle direction de développement, entre guillemets, ils veulent aller, quoi. Non, puis c'est quand même incroyable, je veux dire, on a un conseil municipal, puis il n'est pas le seul qui a pris une délibération contre le Linky, et le préfet a déclaré la délibération illégale. Mais on est dans quel monde? A le pouvoir, il travaille pour qui? Je veux dire, EDF est à moitié vendu, c'est une entreprise qui fait des profits comme elle l'entend. On va même encore en vendre un bout, toute la partie rentable, tout en laissant aux collectivités publiques, c'est-à-dire nous, le soin de trouver les solutions financières pour démanteler les centrales électriques, ce qui va être les gros chantiers dans les décennies à venir. Mais on a un État qui défend une entreprise, tandis que c'est du droit privé, et pas ses citoyens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, que EDF ait une politique avec des nouvelles machines, très bien, c'est d'accord, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais que notre État ne vienne rendre les délibérations locales illégale pour des intérêts privés, c'est quand même c'est le monde à l'envers. Nous, ici, on pense que le politique, il est là pour faire un contre-pouvoir à la grande machine économique mondialisée. Et que là, comme on constate, et ça c'est aussi en écho avec les Gilets jaunes, comme on constate que l'État, la force publique, qui est normalement notre force, est utilisée à nos détriments et au profit d'intérêts privés, alors là, il y a une remise en cause complète de la construction politique elle-même. Là, c'est aujourd'hui, j'arrive de Nîmes, on a eu une AG, et en fait, on est allé voir les pontes du CG, quoi, grosso modo, en masse des abeilles à Nîmes, parce qu'en fait, ils nous enlèvent du... En fait, on va manifester pour travailler. C'est la première fois que... Enfin bon, pas pour demander de l'argent, hein. On estime qu'on n'est pas super bien payé, mais voilà, on fait avec. Et là, on a demandé pourquoi on nous arrêtait, par exemple, le fauchage, pourquoi on nous arrêtait les réparations de routes, par exemple. On a de moins en moins de bitume pour réparer les routes, quoi. Soi-disant, ça coûte cher. Tu veux dire que votre travail est confié à des entreprises privées ? C'est-à-dire que oui, le fauchage, ils sont en train de réfléchir pour pas acheter des tracteurs. Au début, ils vont nous les louer, mais après, ils vont, comme ils diminuent chaque fois qu'il y a des départs à la retraite, puis en plus, on est dans l'époque 68, tout ça, là. Donc, ils vont pas renouveler les postes. Donc, du coup, après, vous êtes moins par centre. Déjà, ils nous ont supprimé 6. Et nous, on sera jamais rentable avec nos petites routes pourries des montagnes. Les grands axes, ils vont garder, les grosses équipes vont se faire sur les grands axes, c'est-à-dire Nîmes, voilà, à l'Est, tout ça. Ouais, mais nous, on n'est pas important, on est très peu à voter par rapport au reste. Donc là, nous, par exemple, on était 6, on avait 200 km de route à retaper, à 6. Et à un moment, nous, on a fait craquer le gars, le représentant, quoi, notre chef supérieur. Parce qu'on a plein de chefs quand même, et les informations n'arrivent pas du coup. Et du coup, il a craqué, il a dit « Ouais, mais si vous voulez pas vous retrouver avec les camions estampillés Eiffage ou Vivendi. » Voilà, donc du coup, on sait par qui on va être bouffé déjà. Voilà. Donc après, nous, vous nous payez déjà dans vos impôts. Sauf que vos impôts, on ne sait pas un pourcentage de ci, un pourcentage de ça, les routes s'étendent, voilà. Donc vous allez continuer à nous payer, mais on ne sera plus là. Et par contre, il vous faudra payer après pour le privé qui fera un boulot. Franchement, nous, on repasse derrière le privé à chaque fois, pratiquement. On y va ! C'est parti ! Allez ! On va aller ! C'est un micro, parce que là, il est de Moscou. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, quoi, là. Jusqu'au bout. France Culture. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est quoi ? France Culture, tu fais un reportage à mon onglet. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'était la grève. On dit, moi, t'as foutu le micro, ça va passer. T'as vu, j'ai le petit sac et tout, hein. On va. Bon, merci, c'est la capitale. Bonsoir tout le monde. C'est bon, poulet. Voilà. Ça va? Ça va bien? Ouais, un petit verre? Ouais. Un petit boc? Merci. Comment ça va, Sam? Ça va, impeccable. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes descendus sur Nîmes pour manifester. On s'est retrouvé à une soixantaine de camions et 130, peut-être 140 gars du département des routes. Et nous sommes allés jusqu'au au conseil départemental pour voir Monsieur Bois, le président du département, qui ne voulait pas nous recevoir, et pour le forcer au bout d'une heure et demie à nous recevoir. Bon, déjà, on est rentré un petit peu en force dans le bâtiment, et pour qu'ils nous reçoivent, on a mis feu à des palettes. Voilà. Et après, il s'est pointé, mais il s'est pointé tel le pape à son balcon, nargane de haut, et puis voilà quoi. Ça a été, c'était un peu, comment dire, très arrogant quoi, comme monsieur, je trouve. Sophie ! Oh ! Oh, tu en as pris, hein ! Oh putain ! Prends-le en photo ! Je prends une photo ! Ah, tu es seul ? Je suis seul, j'appelle ça le terme un bordel organisé quoi, parce que franchement c'était, on est parti à 60 camions, c'est suivi et on est rentré dans Nîmes avec les gyrophares, les klaxons et tout, mais on était bien organisé, les voitures qui coupaient la route pour qu'on passe tous, pour pas que des voitures s'intercalent et tout bloqué, on avait déjà planifié les rues qu'on devait bloquer et tout, voilà, on était bien organisé. Et bon, les glacières de flotte, tout ça, c'était sympa quoi. Et puis, bon, il a fait chaud quand même, ça a tapé. Et puis, comme on est un peu couillon, on allume un feu, donc ça, c'était pas mieux quoi. Voilà. Mais bon, il n'y avait que ça quoi. Comme le dit NTM, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu quoi. Depuis que je voulais le faire. Donc voilà. On fout le feu, on l'éteint, on fout le feu, on l'éteint. C'est pas la première grillade de gauche. On s'entraîne tous les week-ends. De Romain-Imain et qui servent à rien. Et après, à nous, on nous dit qu'il faut faire des efforts. Ça sert à rien et à supprimer des postes. Allez, surtout ça. Voilà. Et plus de services publics. Oui. On en a bien besoin. Ah, ben eux, ils sont pas du même avis, ils veulent nous filer au privé. Et vous payerez un petit peu plus. Le département ? Ouais. Et il y aura des péages pour aller à Montpellier, pour aller à Nîmes, pour aller partout. Ah, dès que vous passerez votre porte d'entrée, bientôt, ils vous mettront en péage. Et maintenant, ils vous feront payer l'air que vous respirez. J'allais vous le dire. On en est presque là, mais pas encore quand même. Il n'y en a pas pour longtemps. Bon, mais bon courage. Hein. Merci beaucoup. On va essayer, merci. Au moins quelqu'un qui s'intéresse, c'est déjà bon, ça. Bon, qu'est-ce que c'est, Johnny ? Ça va, là. Soit on roumègue un peu, on bouge, là, soit... Non, sur le barbecue, on fait des grillades. Non, arrête, quoi ? Destruction du matériel de l'administration. Si on ne fait pas un peu de bruit, il en reste là gentiment, il n'y a rien, jamais rien qui bougera. Hein. Ça sent un petit peu de vente forte, quand même, je ne sais pas, le moins des choses, c'est qu'il y a un souci, quand même. Est-ce que vous êtes content de la journée d'aujourd'hui ? Non. Non, parce qu'on n'a pas eu aucune... Enfin, le seul truc, chaque fois que, d'après le rapport des autres, une fois qu'ils sont sortis de la réunion, le seul truc que M. Boide, Monsieur le Président, nous écoutait, et chaque fois il disait « Oui, je vous entends, je vous écoute. » Cependant, voilà, le langage de manager, quoi, voilà. C'est vraiment, on sent le langage de manager... je vous entends, cependant, pour pas nous froisser et tout. Mais bon, ça marche plus, quoi, parce que comme on n'est pas con, on a pris aussi moi, personnellement, j'ai pris aussi des cours de management et de savoir le parler, quoi. Pas pour le parler, moi, parce que je m'en fous, mais pour les comprendre, eux, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces cours ? Ben, comment régler les conflits, et en fait, c'est un truc sur les conflits, et en fait, c'est exactement le même truc, quoi. C'est ces mots-là qu'il faut... faut pas dire non quoi, c'est le négatif, il faut pas l'employer, il faut dire cependant, voilà, c'est des petites formules comme ça, et ils savent très bien le faire, et on sent que, je pense que même avec leurs femmes et leurs enfants, ils parlent comme ça, voilà quoi, c'est du cinéma quoi, voilà, pour moi c'est du cinéma, mais bon, on a un peu les oublier, ouais, c'est ça, on a un peu les oublier du Gard quoi, et... voilà quoi, du matos et de la considération aussi quand même. Voilà. Après moi franchement mon salaire, oui c'est sûr, je préfère toucher 2000 euros par mois, mais ouais ça va, je suis sur mon secteur, je suis pas loin de chez moi, ça va. Niveau salaire, je m'en tape quoi. Franchement. Gall nous a reçu, nous a entendu. Lui nous reçoit, il nous entend. Je dis la DGS et Delors vont nous entendre. Il y a bien un moment d'entendre, c'est bien beau, mais il faut bien qu'ils bougent leur cul aussi. Quoi. Donc d'entendre, c'est beau. Hein. Concrètement, il n'y a que dalle. Hein. contre, au niveau des tickets de... Moi, si je ne suis pas resté à l'université Paul Valéry à Montpellier, c'est parce que justement j'ai ce caractère. Et le problème, c'est que j'étais le seul Sévenol, donc du coup, comme les autres ne me suivaient pas, il a fallu que je parte quand même au bout d'un moment, parce qu'avec mon chef, ça n'allait pas du tout. Mais voilà quoi. Mais c'était une bonne expérience. Enfin, l'université, c'était une bonne expérience aussi. Tu y vas, tu viens. Si moi j'avais pu le faire, je pense que j'avais un peu d'argent en avance. Je pense que je serais allé faire suivre des cours. Alors je ne devrais pas le dire, mais maintenant si je peux le dire, c'est qu'il y a des fois que j'avais terminé mon boulot, j'allais dans les amphis et j'allais écouter les cours, quoi, certains cours. Ben surtout sur tout ce qui était cinéma, tout ça. Je me planquais derrière. Et bon, après, eux, ils repartaient avec le cartable. Moi, je repartais avec ma caisse à outils. C'était un peu bizarre, mais c'était marrant. Quoi. C'était quand vous faisiez quoi comme travail ? J'ai commencé comme déménageur pendant 6-7 ans. Après, je me suis cassé le dos. Donc, on m'a mis chef de garage. Où là, j'ai changé tout le parc automobile. Et après, j'ai fait quoi ? Après, je suis parti à la menuiserie. J'ai fait 5 ans de menuiserie, où là j'en ai eu marre quand j'ai vu que c'était moi qui faisais le boulot, et pareil, le responsable de la menuiserie qui prenait les... Et voilà, c'est quand même un monde de pourri, l'administration, franchement. Et après il y avait la ferronnerie qui s'est libérée, j'ai récupéré la ferronnerie. Ouais, je m'éclatais quoi, faire la ferronnerie. Sauf que à la fin, j'étais obligé de rouler à l'huile, parce que je pouvais plus payer l'essence pour ma bagnole, donc je roulais à l'huile de friture. Et j'ai pu tenir comme ça pendant 2 ans, 3 ans même. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de sentir le graillon. J'ai demandé une augmentation. On m'a envoyé dans les fleurs, quoi. Et puis, sur les roses plutôt, on dit. Dans les fleurs, c'est pas mal, c'est sympa aussi. Et du coup, en fait, j'ai réussi à avoir une mutation en route. Voilà, je suis parti, je suis jamais retourné. Enfin, c'est une fois comme ça pour voir les collègues, c'est tout. Ça se voit pas, j'ai son âge, hein. Tiens, mon ami, je te dois juste une seconde, j'en ai pris un autre et 1 euro d'hier. C'est la moitié de ma paye dans ce bar. Je dois livrer des verres à soie, c'était fermé aujourd'hui. Et j'ai un lot qui a démarré, j'en ai une petite centaine. On va les voir. Allez. Mais en fait, voilà, je suis sériciculteur, éducateur de verres à soie, et j'avais des verres qui étaient mûrs, qui étaient prêts à faire leur cocon, donc je dois livrer à l'entreprise avec laquelle je travaille. Et ces cons-là, c'était fermé, du coup, j'ai une petite centaine de verres à soie qui se baladent dans la bagnole. Alors voilà à quoi ressemblent des verres à soie. Quand ils sont mûrs, ils arrêtent de bouffer et ils partent à faire leur cocon. Donc je devais les livrer. Donc là, c'est un peu le bordel. Mais voilà, eux, ils bouffent plus, ils veulent faire leur cocon. Tu vois, c'est tout ça, c'est de la soie. Ça. Moi, je dirais que c'est de la pluie. Des bruits de pas, de la pluie, de la friture. La fontaine ? Une télé mal réglée ? Un micro-sillon ? Une daube de sanglier ? Elle est quoi ? Ça se mange ? C'est un feu ? La France Culture, c'est comment ils font le feu ? Ils prennent un papier journal et puis ils... Le met sur son thorax et il le froisse. Il le froisse avec le micro à côté. Tiens. Je peux le froisser, ça ? J'entends le feu de bois qui chante, j'entends le feu de bois qui chante à pleine voix. C'est une chanson sur Jeanne d'Arc. Perrier. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça fait penser à la pluie. Effectivement, quand vous rentrez dans une pièce où les verres à soie dans la dernière semaine mangent deux à toutes les deux ou trois heures, effectivement, On peut en fermant les yeux voir de la pluie, effectivement, ça grignote, c'est incroyable quoi. Et voilà, ouais, c'est effectivement un artisanat qui revient et qui s'est modernisé, qui revient là dans le coin, le verre à soie et la soie. Voilà. Nous sommes dans le Piémont Cévenol. Nous allons essayer d'écouter une espèce endémique du pays. Alors on ne va pas faire de bruit, on va s'approcher tout doucement. Y a-t-il longtemps que tu les as vus, toi ? Y a-t-il longtemps que tu les as vus ? Oui. Nous approchons de là où il crèche. Ah. Ouais. Ah oui. T'as entendu ? Ah oui, là. C'était une tomate cendrée. Une tomate cendrée. C'était une tomate à cendrée. C'était un poivron du Bengale. Non, c'est une tomate à cendrée, ça. T'es sûr ? Je suis formel, c'était une tomate à cendrée. Ah, ça, c'est un poivron du Bengale. Ah oui, voilà. Je confonds toujours. Oui, mais c'est pas le même. Attends, pas trop fort. Ah oui. Et ça pousse, hein. Voilà. C'est terrible, on la voit à vue d'œil. Bon, ben voilà, vous venez d'entendre une tomate à cendrée et un poivron du Bengale. Viens, on va pas les déranger plus. Non, on va pas les déranger plus. Allez. On retourne à la maison. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a des choses qui s'expliquent par l'histoire du village. À savoir, sociologiquement, c'est pas un village entièrement rural. Hein. Il y a toujours eu, parce qu'il y a eu les filatures ici, parce qu'il y a eu les mines qui ont ouvert à Saint-Félix, etc. Ça a toujours été un village à la fois paysan-ouvrier. Et ça suppose des relations entre les gens, de la solidarité, etc. Ça s'est construit là-dessus. C'est aussi un village, comme on l'a dit, de protestants et donc qui ont résisté, qui ont connu la guerre des Camisards, etc. C'est un village ouvert et qui a connu, finalement, des afflux de population, mais depuis le 19e siècle. Hein ? C'est-à-dire qu'ils ont eu à accepter les gens qui sont maintenant complètement intégrés, qu'on voit ici avec les yeux bleus et les joues rouges, qui étaient ce qu'ils appelaient les gavots de la montagne, qui venaient vendre leur force de travail pour les filatures. Ces gens-là, ils les ont intégrés. Ce qu'on disait sur l'apport des jeunes des années 70, etc., c'est allé dans la continuité. Ça n'a pas été un truc complètement nouveau. Il y a eu les mines qui ont ouvert, il est arrivé des Italiens. Il y avait Lago, le Portugais, qui était venu comme mineur. Il y avait. Voilà. Tous les réfugiés républicains espagnols. Exactement. Voilà. Donc, ils ont accueilli. Ça, c'est une première chose qui tient à l'histoire. La deuxième chose, ça tient on en a parlé à la géographie. Un peu en dehors des circuits, et à la grandeur du village. Je crois que c'est un village qui est ni trop petit, parce que les villages trop petits fédèrent pas comme ça forcément des enthousiastes, c'est trois mecs dans un coin, ni trop gros, c'est-à-dire où les gens se retrouvent finalement éparpillés dans plein de projets différents, avec plein de... C'est lié aussi au mode de vie. Donc je crois que c'est un ensemble autour de ça. Et alors, on parlait tout à l'heure de l'esprit de résistance, et aujourd'hui, il y a peu de temps, on a reçu sur la commune un groupe d'Afghans quand il a été question d'évacuer la jungle de Calais. Donc une trentaine de jeunes Afghans qui sont arrivés. Alors évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Il y a des gens du village qui n'étaient pas du tout pour. Et puis d'autres qui, au contraire, ont proposé leur bonne volonté pour aider à un accueil correct. La mairie a dit, bah voilà, c'est la préfecture qui nous l'impose. Mais tant qu'à faire, on va faire ça bien. On va les accueillir dignement et on va donner un coup de main. Les Toubibs sont montés là-haut, ils ont consulté tous ces jeunes gens gratuitement. Il y a des infirmiers à la retraite qui sont allés faire des soins, il y a des instits à la retraite qui sont allés donner des cours de français. Il s'est passé plein de choses de ce genre-là, quoi. Et même les gens qui, au départ, étaient plutôt sur une position de rejet ou de crainte, bah, au d'un moment, quand les jeunes Afghans ont proposé d'inviter les habitants du village à venir manger, bah, ces gens-là, ils sont venus. Ils sont venus avec leurs enfants et avec des cadeaux. Donc, c'est que ça s'était bien passé. Bah, et pourtant, c'est un truc qui fait peur, au départ. Et c'est clair que le maire, il a eu l'idée de faire une réunion publique pour informer tout le monde longtemps en amont. Ça paraissait peut-être une idée un peu bizarre, parce que c'est vrai que la discussion était un peu chaude, hein. Mais en fait, c'était une très bonne idée, parce que ça permettait d'impliquer le maximum de gens favorables et de faire comprendre à ceux qui ne l'étaient pas qu'ils étaient très minoritaires. Quand il y a eu les vagues sur Calais, la préfecture m'a appelé en me disant que des réfugiés allaient arriver sur la commune. Elle ne m'a pas demandé mon autorisation, parce que c'était des bâtiments privés qui appartenaient à une association laïque. En tant que maire de la commune, mon souci, à partir de ce moment-là, a été de tout faire pour que cet accueil soit réussi, puisque notre commune, depuis des lustres, accueille des réfugiés de tous bords, et notamment des réfugiés de 68. Donc, et avant, des réfugiés espagnols, et voilà. Nous, communes, on a cherché à informer les gens, parce qu'ils se disaient tout et n'importe quoi. On a organisé une réunion dans une salle de la commune à Monoblé, où on a eu une participation de plus de 120 personnes, et ça a été une réunion plus que vivante. Donc, en gros, je dirais, on a été sauvés par la disposition de la réunion. On était dans cette salle et on avait disposé les chaises en cercle. Il y avait énormément de craintes, il y avait énormément de gens qui étaient d'une tendance que je qualifierais un peu style extrême droite, et une autre qui était style plutôt extrême gauche. Donc à un moment donné, c'est parti en sucette. Pourquoi vous dites que c'est la disposition de la salle qui vous a sauvé ? Alors, je dis c'est la disposition de la salle qui nous a sauvés, parce qu'on était en cercle. Si on avait été en position frontale, on aurait tout pris dans la tronche. Hein ? Et on aurait été obligé de répondre. Et c'était pas possible de répondre, parce qu'on était dans les invectives. Et donc, du fait qu'on ait été en cercle, les gens qui étaient sur plusieurs rangs et debout, puisqu'ils envoyaient leur extrait de naissance, leur date d'installation, que lui, il était du pays parce qu'il y était né, l'autre, ça faisait 2 ans qu'il était là, il était un peu aussi migrant, enfin voilà, on a entendu des tas de choses. Et donc, la disposition a fait que quand ils ont été fatigués de se défouler, ils se sont réassis naturellement. Et donc, comme nous, on n'avait jamais été en position frontale par rapport à la disposition de la salle, on a pu reprendre naturellement le fil de cette réunion et aller au bout. Et je pense que c'était une des clés de la réussite de cet accueil. Parce qu'on peut parler de réussite, vu que à l'arrivée, même si l'expérience n'a pas duré longtemps, on n'a eu aucun souci. Il y a eu une mobilisation pour travailler à l'accueil. On a eu des tas de personnes qui se sont déplacées elles-mêmes, qui sont avec la CLED, qui sont intervenues pour donner des cours de français, pour amener dans le monde médical, pour faire des contrôles et tout. Il y a eu vraiment une mobilisation que je qualifierais de remarquable, de gens qui ont donné de leur temps, de leur argent. Et en fait, cette expérience, elle a été remarquable, parce que même si j'appelais toutes les semaines les voisins, au bout d'un moment, ils m'ont dit ne nous appelle plus, on n'a aucun souci. Et à la fin, c'est ce qui a été un peu magique, il y a eu un moment où les gens qui étaient les plus véhéments face à cet accueil Ils ont été invités à partager un moment, un repas, et ça a eu lieu. Mais à l'arrivée, quelque part aussi, notre communauté en a été renforcée. Plus le politique est éloigné du citoyen, moins il y a de compréhension. Je crois que trop longtemps, on a pris l'Allemagne en exemple en disant la bonne structure politique, c'est les Länder allemands. Je crois que c'est une fabuleuse connerie. Chaque pays a son histoire. Je crois que la France est construite autour de ses communes. Au lieu de chercher à les faire disparaître, donnons-leur du sens. On fait tout à Monoblet pour essayer de conserver ce tissu social qui se développe et puis les gens ici se parlent. Je crois qu'on accueille de nouveaux habitants et puis ça se passe bien, je le crois. Mais tout ça parce qu'on a cette volonté de défendre ce mode rural. Moi, je ne suis pas du tout envieux de voir toutes ces communes urbaines autour des agglos, qu'on appelle maintenant des cités dortoirs. Nous, on n'est pas une cité dortoir. On est une cité où on vit. Bon, Jérémy, combien de fois au total sonne la pendule tous les jours? Bon, elle commence à 7h du matin, elle finit à 22h. Elle sonne chaque heure 12, deux fois, 13, 14, 15, plus 16, les demi-heures, voilà. 17, t'as toutes 20, les données, 19, tu peux 20, faire 20, le calcul. 20, 20, 20. Un chiffre comme ça au hasard. 3. 224 plus 6. Plus 22. Eh bien si, c'est ça, c'est 240 fois. J'avais bien dit. 64 fois. Non. 44 plus 22. 24. Mais si. Non. Ça fait combien? Dis-moi. 44 plus 22, ça fait 64. Non. Dis non. Eh ben non. Hein? Mais 44 plus 22, ça fait combien? Combien de coups? Oui. Oulô. Attends, je viens de compter ma caisse, là, c'est bon, j'ai 64. Des chiffres dans la tête. 44 et 22, ça fait 66. Oh, j'ai oublié. Je calcule tout ça? Je peux calculer si tu veux. Attends. Vite fait, je le calcule. Allez. 7h du matin. 7 fois 2, 14. 14. Ah, putain, c'est trop compliqué. Non, je peux pas, c'est trop compliqué. J'ai pas la tête à ça. Il y a un chien qui me prend la tête, puis pas que le chien. Voilà. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On va rentrer. 239. 1, 238. 2, 237. 3, 239. 234, 238. 235. 236. 235. 234. 232. 2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. 5. 4. Radio Café, un documentaire d'Amélie Perrault et Adrien Chevrier, réalisé par Gaël Gillon. Mixage, Benjamin Vignal. Merci à David Morin, du Café du Commerce de Monoblet. Et à Romain Boyer, Isabelle Capaldi, Philippe Castanon, Olivier Chupin, Mélanie Durand, Jérémy Duval, Benoît et Lou Ferron, Armel et Bernard Melien, Yves Monteil, Samuel Hortin et tous les habitants de Monoblet qui ont participé à cette émission. À la mémoire de Jean-Luc Passet. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans les Cévennes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Île de Groix, vie en mer. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.